Cette nuit, c'était la fête. De la nuit ressortaient des violons et un bruit d'accordéon. À l'écart, je voyais les lumières et les enfants qui crient de bonheur, une glace à la main. Contempler l'horizon, j'attendais ta vie qui passe sur mes pas. J'attendais de ta vie que tu viennes sur moi. J'avais cru si longtemps que je pouvais croire en cet instant que quand il est passé, ton nom. Oh mon amour, je suis vide sans toi. Oh mon amour, des cris de joie, moi je n'en vois pas. Oh mon amour, si je meurs aujourd'hui, si je meurs d'amour. Ici, et si tu n'es pas là, si on est reparti sans se rencontrer et sans jamais s'aimer, nos vies n'auront servi à rien. Pas plus aujourd'hui que demain. Pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi je ne t'entends? Je ne t'entends pas. Pourquoi tu n'es? Tu n'es pas là. Je voudrais savoir, mais est-ce qu'on sait un jour? Si l'on saura un jour, où resterons-nous? Impuissants devant notre destin. S'il existe enfin un bon Dieu qui nous guide, quand se penchera-t-il sur nous? Ce n'était que la fin. Et s'il n'y avait que du début? Et si je n'aimais que la fin? Et si on s'habitue à tout? Si rien plus ne donne l'envie? Et si l'on savait déjà tout? Et si les suites sont déjà écrites? J'irai pas pleurer sur ma tombe. Mais tu vois, le ciel m'inonde. Même le plus fort de ma troupe vient t'implorer ce matin. Même les ponts vont se défait. Viennent à céder sous les orages. Même les peuples les plus ardents ne tiennent pas guère longtemps. C'est éteint pour matin. Un éclat de lune, tu voudrais t'en tenir ma main. Je voudrais tant te la donner si l'on avait plus besoin. te parler pour être ensemble, rien que la beauté de ton âme, c'est ce que je voudrais voir. Ce n'est rien que la beauté de ton âme, pour être heureux, pour être heureux. Tu es la seule, tu es l'unique, tu es la seule qui m'est confiée. Tu es la seule, tu es l'unique, je ne t'oublierai pas. Tu es la seule, tu es l'unique, je ne peux t'oublier, tu restes en moi. Tu es la seule, tu es l'unique, pour toute ma vie et j'espère. Au-delà, tu es la seule, au-delà. Je te garde moi, il n'y a que toi, ici-bas, qui me fait tenir le coup. Mais depuis que tu n'es plus là, les promesses que je t'ai faites sont bientôt terminées. Est-ce que ça peut pour le coup encore de rester? Est-ce que ça vaut le coup de se faire à essayer. Rester dans un monde qui se moque de tout, et bien sûr de ce que notre amour a été obscur. Comment on est-ce que les enfants, ton poisson aussi n'est plus pareil. Qui est déjà là, alors qui t'attend, t'es tombé. Tentons de te rejoindre. Je saute dans le vide, ça ne fait plus peur, quitte à mourir demain, autant mourir de suite, tout de suite. Je suis bien trop vieux, bien trop faible, je ne veux plus attendre. Juste attendre la nuit, me voir dans l'horizon, me sortir de là, juste nuit tendue à contempler tes reins, juste une nuit de plus loin de tes seins, juste une nuit dans le brouillard de vie, juste des mains tendues, mais personne ne les voit, juste la vie est belle, mais seulement cette fois. Mais la vie nous tuera, il me semble vous connaître, tout le temps que vous êtes, tout ce temps que vous faites. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus mourir, de n'être plus en toi, de n'être plus là. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus sortir, sans la chair, est-ce qu'il y a un pardon? Là où le vent m'emmène, est-ce qu'il y a pardon pour mettre mes yeux en direction de ton horizon? Je ne veux plus partir quand tu es la dernière. Je ne veux plus jamais regretter ça. Je voudrais simplement que tu sois avec moi, je voudrais jamais savoir juste ce qu'il y a dans ton âme. Si tu as été complice des infidèles, des salauds et des traîtres, je voudrais savoir si tu es encore humaine, si ton âme pleure bon ou bien, si comme les autres elle est rongée dans haine, ou si comme les autres elle n'existe plus. Je le voudrais savoir, je le voudrais savoir. D'autres que moi, surtout ne la touche, ne la touche pas. Elle continue son vol vers d'autres que moi, surtout ne la touche, ne la touche pas. Je flotte au bord de l'eau, j'attendrai les oiseaux, et si la route est pleine, je marcherai en haut, et comme les hirondelles, je raserai les eaux. Je l'aime d'autant plus, sachant qu'elle va partir. Je l'aime d'autant plus, sachant qu'elle ne sera plus qu'un souvenir.